Chapitre 4. La campagne de Martineau. Dans le fameux conseil des cinq, tenu le lendemain du jour où Miss Colfax avait dit un éternel adieu à son couvent, Martineau s'était chargé de rechercher le jeune duc de Ballombreuse. « J'ai le vague pressentiment, avait-il dit, de découvrir où il est, s'il n'a point quitté Paris ou s'il n'est pas mort. » Martineau, à la nouvelle de la disparition d'Octave, avait fait comme ce magistrat célèbre qui, pour arriver à la connaissance du mobile d'un crime, commençait par chercher la femme. Cette femme, quelle est-elle? S'était demandé notre journaliste. La réponse ne s'était point fait attendre. Cette femme, si toutefois il en a une sous roche, s'était-il dit, ne peut être que Célestine. Je ne connais qu'elle seule à Paris capable d'un pareil coup. Mais cette supposition lui avait paru, après mes réflexions, peu vraisemblable. Dans quel but, en effet, Célestine Marbeau aurait-elle confisqué Octave? S'il eût été riche comme autrefois, la chose se fût comprise. Mais le jeune officier était pauvre et sans le moindre héritage en perspective. Aurait-elle donc cédé à l'un de ces étranges caprices que certaines créatures éprouvent parfois pour ceux qu'elles ont indignement trahis? Célestine, amoureuse d'un ex-amant ruiné, elle qui depuis longtemps n'aimait plus que l'argent, c'eût été le monde renversé. Peut-être la drôlesse, se dit-il après avoir réfléchi de nouveau, n'est-elle qu'un instrument au service d'un individu qui a intérêt à ce qu'Octave de Ballombreuse retombe entre ses griffes. Mais quel intérêt et quel serait cet individu? Il se frappa tout à coup le front. « Eh, pardieu, j'y suis !» Ce baron Walker s'est pris d'une belle passion pour Irène. Il m'a succédé dans les bonnes grâces de Célestine comme Henri IV a succédé à Pharamond sur le trône de France. Le coup doit partir de là. Oui, mais notre jeune duc n'a sans doute point perdu le souvenir des infidélités de son ancienne maîtresse. Ruiné et trompé par elle, il n'est donc guère probable qu'il se soit laissé engluer de réchef. Une première expérience a dû lui suffire, et si Célestine, conseillée par Walker, avait conçu le projet de remettre le grappin sur lui, il aurait rayonné et l'aurait vertement éconduite. Après tout, poursuivit-il, s'il est encore de nos jours des Madame Putiphar, elle trouve peu de Joseph. Les hommes sont si bêtes. Tout bien réfléchi, fit-il en manière de conclusion, c'est du côté de Célestine Marbeau que je commencerai mes recherches. Mais là se présentait une petite difficulté. Martineau, grisé autrefois par sa situation de directeur du grand journal qu'il avait fondé avec les billets de banque de Miss Colfax, s'était conduit, comme nous l'avons dit, vis-à-vis de Célestine aussi indélicatement qu'Ulysse à l'égard de Calypso. Un beau matin, il s'était éclipsé, et honte qu'il n'avait reparu. L'ingrat avait convolé à de nouvelles amours. Ce procédé, par trop cavalier, était de nature, on le comprend, à lui faire interdire à perpétuité la porte de Célestine, s'il osait y venir frapper. Mais notre reporter n'était pas homme à rompre d'une semelle lorsque ses intérêts étaient en jeu. Le lendemain de la réunion des cinq, il se rendit au petit hôtel de la rue de Courcelles, et demanda effrontément au concierge si Mademoiselle Marbeau était chez elle. « Madame est absente, » lui fut-il répondu. « Quand rentrera-t-elle » répliqua-t-il. « Madame a quitté Paris depuis plusieurs jours. Ah, et où est-elle allée? Elle ne l'a pas dit. » Martineau, comprenant qu'insister davantage serait peine perdue, se retira. Aux yeux de tout autre, cette démarche aurait semblé un coup d'épée donné dans l'eau. Mais comme il ne dépendait pas de son idée première, il vit dans l'absence réelle ou supposée de Célestine un indice significatif. « Si elle se cloître chez elle, pensa-t-il, c'est parce qu'elle veut se soustraire à toute inquisition extérieure. Si au contraire elle est absente et qu'elle ait caché le lieu de sa résidence à ses gens, c'est évidemment, c'est parce qu'elle redoute leur indiscrétion. Dans les deux cas, il y a quelque chose, et ce quelque chose ne peut être qu'une intrigue galante. » Le lendemain et pendant 8 jours consécutifs, Martineau envoya tour à tour et sous des prétextes différents 3 commissionnaires, le garçon du bureau de son journal, son portier et sa femme de ménage s'informer si Célestine Marbeau était de retour. C'était une procession qui n'en finissait plus et le concierge, ahuri mais fidèle à sa consigne, répondait invariablement aux uns et aux autres « Madame est absente ». Le 10e jour, notre journaliste avait fini par croire qu'on s'était moqué de ses émissaires. Et voulant vérifier le fait, il sortit de chez lui à 8 heures du matin, monta dans un remise et se fit conduire rue de Courcelles. Un fiacre stationnait devant la grille de l'hôtel. « Ah, fit Martineau. puis il sonna sans hésiter. La grille s'ouvrit et il entra. La première personne qu'il aperçut fut la femme de chambre de Célestine Marbot, debout sur le seuil de la loge du concierge, et demandant s'il n'était point venu des lettres pour sa maîtresse. Martineau n'en voulut pas apprendre davantage. Ses quelques paroles l'avaient suffisamment renseigné. Célestine n'était point à Paris, et sa camériste, qu'elle avait envoyée à son hôtel pour prendre ses lettres, irait la rejoindre aussitôt sa mission remplie. Comme il n'avait pas refermé la grille, il put s'esquiver sans que le concierge et Rosalie eussent eu le temps de l'apercevoir. Il regagna prestement son remise, dont il avait sa moitié les stores, et se fit conduire à une trentaine de pas, puis il donna ordre à son cocher de s'arrêter et se mit en observation. Au bout d'une grande heure de faction, il vit enfin Rosalie sortir de l'hôtel et remonter dans son fiacre. Il attendit qu'elle eût dépassé l'endroit où il se tenait à l'affût, puis il abaissa une glace de son remise et dit à l'automédon de suivre le fiacre à distance raisonnable pour ne pas exciter ses soupçons. Le cocher, qui était un homme d'expérience, manœuvra le plus habilement du monde. Non seulement il ne perdit pas le fiacre de vue un seul instant, mais Rosalie ne se douta nullement qu'elle était suivie. Longue fut la promenade des deux cochers. La femme de chambre avait de nombreuses acquisitions à faire dans divers quartiers de Paris, et chacune de ces acquisitions prenait un certain temps. Enfin, après 3 heures de marche et de contre-marche, la voiture de Rosalie gagna l'avenue des Champs-Élysées du côté du bord de l'eau, franchit successivement les ponts de Iéna, de Grenelle, de Sèvres, et parvenue à la rue qui monte vers Ville-d'Avray, s'y engagea et s'arrêta 10 minutes après devant le cottage de Célestine Marbot. Voici le nid. Mais l'oiseau que Célestine Marbot tient en cage est-il réellement le jeune duc de Valambreuse? Se dit Martineau. C'est ce qu'il faut que je sache. Il mit aussitôt pied à terre, dit à son cocher de l'attendre, et il se dirigea vers le chalet. Il écarta ensuite les branches de lierre qui garnissaient la grille et plongea ses regards dans l'intérieur du jardin. Il n'aperçut personne et n'entendit aucun bruit. Peut-être Célestine est-elle en promenade avec son galant dans le parc de Saint-Cloud, pensa-t-il. Je reviendrai demain matin les surprendre à leur réveil sous la verte feuillée. Il allait s'éloigner lorsque le bruit d'une porte qu'on ouvrait se fit entendre. De nouveau, il écarta les lierres et glissa à travers un coup d'œil inquisiteur. Un cri de joie faillit lui échapper. « J'avais deviné !» se dit-il en prenant une pause triomphale. En effet, il venait d'apercevoir Octave de Valambreuse en costume négligé qui descendait le perron du chalet un cigare à la bouche et se dirigeait vers un massif. Notre journaliste savait tout ce qu'il voulait savoir. Il rejoignit son cocher et comme il se sentait l'estomac creux, il se fit conduire au restaurant de la Tête Noire à Saint-Cloud et il dîna copieusement. Lorsqu'il rentra dans Paris, la nuit était venue. Il passa chez lui pour faire un bout de toilette. Puis il prit l'omnibus de la Madeleine-Bastille, descendit à la rue des Bauges et alla droit chez Miss Colfax pour lui faire part de son heureuse découverte. Miss Colfax était sortie depuis 2 heures et elle avait annoncé qu'elle ne rentrerait que fort tard dans la nuit. Martineau lui laissa sous enveloppe un petit mot relatant l'emploi de sa journée et il regagna son domicile. Il était rompu de fatigue et lui tardait de prendre un repos réparateur. Pendant ce temps, Miss Colfax faisait, en compagnie du docteur Cavarox, son entrée à l'hôtel du baron Walker et sa laver les introduisait dans la petite maison fermée qui servait de demeure aux prisonniers étrangers. Nous allons quitter un moment Martineau et ses amis pour nous transporter chez Madame Renaud. Vers les 9 heures du soir de ce même jour, un commissionnaire apportait une lettre à Irène. Cette lettre, sans signature, disait que s'il désirait connaître ce qu'était devenu Octave de Valambreuse, elle n'avait qu'à se trouver le lendemain, à 11 heures précises du matin, dans l'endroit qu'on lui désignait. Une fois là, elle saurait à quoi s'en tenir sur le compte du fugitif. Irène, après avoir reçu cette lettre, se hâta de la montrer à Madame Renaud. La première pensée de la marchande de fleurs artificielles fut d'ajouter foi à ce que contenait ce billet anonyme. La seconde, qu'il cache un piège tendu à sa jeune apprentie pour s'emparer de sa personne. Flottant entre ces deux suppositions également acceptables, elle voulut prendre conseil de Miss Colfax. Mais lorsqu'elle se présenta chez elle, on lui fit une réponse semblable à celle qui, peu de temps auparavant, avait été faite à Martineau. La riche héritière était absente et ne serait de retour que fort tard. Madame Renaud se retira, bien résolue à ne prendre aucune décision avant d'en avoir conféré avec la protectrice d'Irène. Maintenant, d'où venait cette lettre? Il ne portait aucune signature. Qui l'avait écrite et dans quel but? C'est ce que nous allons expliquer. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le soir où Célestine Marbot, jouant auprès du jeune duc de Vallombreuse sa fameuse comédie des remords et une passion qu'elle ne ressentait pas, était parvenue à le retenir dans son cottage de Ville d'Avray. Mais quoi qu'elle fît, quelque habileté qu'elle déploya pour reprendre son ascendant d'autrefois, le souvenir d'Irène demeurait toujours vivant dans le cœur d'Octave. Elle comprit alors que sa victoire ne pouvait avoir qu'une durée éphémère et qu'un rien suffirait pour briser la trame qu'elle avait si adroitement ourdie. Comment parer le coup? Un matin, pendant que le jeune duc sommeillait, elle l'enferma à double tour dans le chalet et s'en fut trouver l'ami Fritz à l'hôtel du boulevard Haussmann. Le factotum du baron, étonné de cette visite, lui demanda avec inquiétude si son amoureux avait pris la clé des champs. « L'oiseau est toujours en cage, » répondit Célestine Marbot, « mais tout m'indique qu'il veut reprendre sa liberté. C'est en vain que je m'efforce de réveiller son ancien amour, il pense toujours à la petite, et un jour ou l'autre, il me quittera pour s'en retourner auprès d'elle. « Diable, et que dirait le baron ?» répliqua l'ami Fritz. « Je le sais bien, mais que faire ?» Le factotum de Walker réfléchit pendant quelques secondes. « Par Dieu, il n'y a qu'un seul moyen de conjurer le danger, c'est de brouiller si bien nos deux tourtereaux que toute réconciliation devienne impossible. C'est ce que j'ai tenté en voulant persuader à Octave que son Irène jouait la comédie de l'amour afin de devenir duchesse. Il a mordu un moment l'hameçon et puis bien le bonsoir. Alors il faut frapper à une autre porte, » reprit Fritz d'un ton péremptoire. « À quelle porte ? Je connais Irène de longue date, c'est une véritable sensitive. Ce qui, pour une autre, serait un coup d'aiguille, devient pour elle un coup de poignard. En même temps, elle est d'une nature très fière et dans ce qui n'est qu'une peccadille, elle verra un crime. Il suffirait donc qu'elle fût convaincue, mais bien convaincue, par exemple, que son amoureux est votre amant pour qu'elle renonce à lui à tout jamais. Ah, vous croyez ? J'en suis certain. Eh bien, s'il ne faut que cela pour qu'elle rompe avec Octave, vous pouvez regarder la chose comme faite, » répondit Célestine Marbot. « Je lui offrirai un petit spectacle qui remplira toutes les conditions du programme que j'ai en tête. » « Et quel est ce programme ? » demanda l'ami Fritz, vivement alléché. « Donnez-moi un chiffon de papier, une plume et de l'encre, » répartit Célestine en se plaçant devant une table. Le factotum du baron s'empressa d'apporter ce qu'elle demandait. Célestine griffonna à la hâte quelques lignes, les mit aux enveloppes, puis remettant sa lettre à Fritz, elle lui recommanda de l'envoyer dans la soirée à Irène par un commissionnaire. « Pourquoi pas tout de suite ? » dit l'ami Fritz. « Parce que son cerveau travaillera pendant la nuit, » répondit-elle, « et cela rentre dans mon plan. »« Fort bien, mais vous ne m'avez pas dit quel est le petit spectacle que vous comptez lui donner. » « Trouvez-vous demain matin à 11 heures aux alentours de mon chalet et vous y assisterez gratis. Mais êtes-vous bien sûr du succès ? Vous savez, l'auteur le plus habile, faute de conseils, se trompe quelquefois, et alors ce ne sont pas des applaudissements qui accueillent sa pièce, mais... « À demain, mon cher, » interrompit Célestine en prenant congé de l'ami Fritz. « Quelle drôlesse, quel aplomb est là ?» murmura ce dernier en levant les épaules. Ces explications données, nous allons retourner place des Vosges. Ainsi que l'avait pressenti Célestine Marbot, le cerveau d'Irène fut en travail pendant une partie de la nuit. On sait ce qu'est la curiosité. Une fois éveillée, elle ne s'arrête plus, et quand, d'autre part, l'amour se trouve en jeu, elle prend des proportions gigantesques. Irène n'avait lu qu'une seule fois la lettre apportée par le commissionnaire, et cependant elle la savait par cœur. Elle se la récitait comme une leçon apprise avec soin. Elle en commentait chaque phrase, chaque mot, et elle s'efforçait mais vainement de leur trouver un sens précis. Sa pauvre tête était en feu, parfois son cœur se serrait comme étreint par de douloureux avertissements, et ce fut aux approches du matin seulement que ses yeux se fermèrent. La nuit de Madame Renaud, elle aussi, eut un sommeil agité. Son premier soin, après s'être levée, fut de retourner chez Miss Colfax. Là, elle apprit que la voiture du docteur Cavarox avait ramené Flavia fort avant de la nuit et qu'elle avait défendu d'entrer dans sa chambre avant qu'elle sonnât. La marchande de fleurs artificielles se retira fort indécise sur ce qu'elle devait faire. Lorsqu'elle retourna à son atelier, Irène, contre son habitude, n'était pas encore descendue. Elle l'envoya chercher, puis elle l'emmena dans son petit salon où fut longuement débattue la question de savoir si elles se rendraient toutes les deux à l'endroit qu'on avait désigné. hâtons-nous de dire que si la curiosité d'Irène était vivement surexcitée, celle de Madame Renaud ne l'était pas moins, sinon davantage. Après tout, fit la brave fleuriste d'un ton résolu, quel danger aurions-nous à craindre en plein jour et en voiture? Partons, mon enfant. Quelques minutes plus tard, elle montait dans un fiacre pourvu d'un cocher aux formes athlétiques. Il se faisait conduire à Ville-d'Avray. Pendant ce temps, Célestine Marbot préparait la mise en scène de la petite tragicomédie dont elle était l'auteur et dans laquelle Octave devait, à son insu, remplir un rôle important. À droite de la pelouse qui s'étendait comme un tapis d'émeraude devant la grille du chalet, se dressait, au second plan, une sorte de kiosque rustique ouvert de tous les côtés. Un large divan occupait le fond de ce kiosque. C'est là que le jeune duc, reconquis par son Ariane, se plaisait, dans les premiers jours de sa captivité, à aller fumer des cigarettes, tout en souriant au propos d'amour que lui tenait la charmante pécheresse. Mais c'était là qu'il venait plus rarement depuis que le souvenir d'Irène, un moment effacé de son cœur, y était rentré plus vivace que jamais. Célestine, le matin du jour où nous sommes, avait fait élaguer en certains endroits les lierres touffues qui masquaient la grille de son chalet, de sorte que les passants pouvaient, avec un peu de bonne volonté, plonger dans le jardin et dans l'intérieur du kiosque. Cet élagage opéré, elle fit apporter dans le kiosque une petite table en bois de rose sur laquelle on plaça une nappe damassée, et sur cette nappe, blanche comme neige, tout l'attirail nécessaire à un fin déjeuner. À 10 heures moins quelques minutes, Octave descendit au jardin. Son front était soucieux. Il avait honte de l'endroit dans lequel il se trouvait en ce moment. Il se demandait si jamais il oserait se représenter devant Irène. « Quoi qu'il puisse advenir, » se dit Octave d'un ton résolu, « aujourd'hui même, je sortirai d'ici. Ne sais-je passer par-dessus cette grille ?» La cloche annonça que le déjeuner était servi. Il revint sur ses pas, et déjà il posait le pied sur les marches du chalet, lorsque Célestine Marbot apparut et désignant le kiosque. « C'est là, mon chéri, que j'ai fait dresser le couvert. » « Et pourquoi cette fantaisie ?» demanda Octave. « Le temps est aujourd'hui d'une lourdeur accablante, » répondit la jolie pécheresse. « Nous étoufferions dans la salle à manger. J'ai pensé qu'il te serait agréable de déjeuner en plein air. » Là-dessus, et sans attendre la réponse du jeune duc, elle lui prit les bras et l'entraîna dans le kiosque où le déjeuner les attendait. Si le menu de ce repas en plein air était affriandant, celle qu'il avait commandée était encore plus affriandante. Célestine Marbot avait recours, pour la circonstance, à tous les raffinements de la coquetterie féminine. Elle était plus que jolie, plus que belle, elle était adorable à se mettre à genoux devant elle. Une froideur de glace régna pendant le commencement du déjeuner. Rien ne pouvait désassombrir le front d'Octave, ni le joyeux captage de Célestine, ni ses petits soupirs étouffés, ni ses œillades qui cherchaient à le transpercer comme autant de flèches acérées. Mais ce que n'avait pu faire le manège calculé de l'enchanteresse, le vint capiteux de Volney l'opéra. Le jeune duc, sous l'empire de son incessante préoccupation, se versait à boire sans penser à ce qu'il faisait. À peine son verre était-il vide, qu'il l'emplissait de nouveau, et s'il oubliait de le remplir, Célestine Marbot était là pour lui servir des chansons. Lorsqu'on fut au dessert, le champagne qui étincelait dans les coupes dissipa comme par enchantement les derniers nuages qui pesaient sur son front. À partir de ce moment, l'octave soucieux du commencement du déjeuner avait disparu pour faire place aux gais convives des fins soupers d'autrefois à la Maison d'Or et à l'hôtel de la rue de Courcelles. L'horloge de l'église de Ville-d'Avray sonna 3 coups. 11 heures moins le quart, pensa Célestine, en avant le grand jeu. Elle prit la bouteille de champagne et en remplit les 2 coupes, puis tendant l'une d'elles au jeune duc, « Trinquons !» fit-elle. Un petit bruissement de verre suivit cet appel. On apporta le café avec la cave à liqueur et des cigarettes. Le café pris, Octave alluma une cigarette et 2 légers flocons d'une fumée blanchâtre montèrent dans l'air. La sirène, à son tour, alluma une cigarette à celle de son prisonnier, puis elle s'assit à ses pieds sur un coussin. 11 heures sonnèrent. Presque aussitôt, Célestine Marbot, qui avait l'oreille au guet, entendit un bruit de pas sur la route. Les pas s'arrêtèrent devant le chalet et un visage curieux se montra à travers les interstices des lierres. « C'est elle !» se dit la bile comédienne. Elle jeta au loin sa cigarette, puis attirant à elle la tête du jeune duc, elle le regarda avec une sorte d'extase et lui donnant de ces longs baisers dans lesquels l'âme tout entière semble passer. « Que tu es beau, mon Octave adoré !» et que c'est bon de s'aimer comme nous nous aimons. Un cri déchirant, un cri d'angoisse partit de l'autre côté de la grille du jardin et fut suivi du bruit mat d'un corps qui tombe. Ce cri alla droit au cœur du jeune duc. Frappé d'un sinistre pressentiment, il se dégagea des bras de la sirène et il se leva tout pâle. « Il y a, dit-il, derrière cette grille, une femme qui se trouve mal. » Célestine voulut le retenir. Au même instant, on entendit une voix qui réclamait du secours. Cette voix, Octave l'avait reconnue, c'était celle de Madame Bruno. Il repoussa violemment Célestine Marbot, qui l'avait saisie à bras-le-corps, courut comme un fou vers la grille, l'ouvrit et s'élança sur la route. Là, un spectacle des plus émouvants frappa ses yeux. À deux pas de la grille, Irène était étendue sans connaissance à terre et si blanche qu'on l'aurait crue morte. Madame Renaud, agenouillée près d'elle, lui soulevait la tête et s'efforçait de la ranimer. Cependant, le cocher, qui avait assisté de loin à cette scène, s'était avancé avec sa voiture et tandis qu'Octave, éperdu de désespoir, demeurait cloué au sol, il prit la jeune fille dans ses bras, la porta dans le fiacre et aida sa patronne éplorée à se placer à côté d'elle. Le jeune duc, en voyant Irène disparaître, se précipita machinalement vers la voiture. Célestine Marbot, qui était demeurée jusque-là, spectatrice impassible, sur le seuil de la grille, comprit qu'il allait lui échapper si elle n'intervenait pas. Elle le rejoignit aussitôt et le saisissant au bras. « Cette jeune fille a besoin de secours immédiat. Il faut la transporter chez moi et j'enverrai chercher un médecin. » Ces paroles rappelèrent Octave au sentiment de sa situation. « Jamais !» répondit-il. « Et pourquoi, s'il vous plaît ?»« Parce que votre demeure souillerait sa pureté. »« Sa pureté !» fit Célestine en ricanant. « Sa pureté !»« Taisez-vous, maudite créature !» interrompit le jeune homme avec emportement. « Si elle meurt, c'est vous qui l'aurez tuée !» Et sans s'attarder davantage, il s'élança dans la voiture. « Où faut-il aller maintenant ?» lui demanda le cocher. « Arrêtez-vous devant le premier pharmacien que vous rencontrerez sur la route, » dit Octave en fermant la portière. Célestine Marbot, toute frémissante de rage, était encore immobile à la place où Octave l'avait si brusquement laissée lorsqu'une voix la fit se retourner. « La représentation à laquelle vous m'avez confié a fait fiasco complet, » lui dit l'ami Fritz d'un air goguenard. « Au lieu de brouiller nos amoureux, vous les avez rapprochés plus que jamais. » Par bonheur, je ne suis pour rien dans votre jolie petite machine, et je m'en lave les mains. Mais que dira monsieur le baron ? Célestine avait dévoré en silence la honte de se voir abandonnée et méprisée par le jeune duc de Valambreuse, mais s'entendre railler par un misérable valet, c'en était trop. Elle se redressa, comme si une vipère l'eût piquée, étoisant Fritz du haut en bas et de bas en haut, et lui répondit, en prenant la pose majestueuse d'une reine de théâtre, « Mon cher, votre maître s'arrangera de la chose comme il lui plaira. Sachez que je suis assez riche pour renoncer à ses subsides. » Là-dessus, elle lui tourna le dos et rentra non moins majestueusement dans son chalet. L'ami Fritz, quoique si impertinemment remis à sa place par Célestine, s'en retourna tout guilleret à l'hôtel du boulevard Haussmann. Au fond, il voyait d'un œil jaloux l'intervention de la jolie pécheresse dans les affaires privées du baron et il se réjouissait de son insuccès. Son premier soin, en rentrant, fut de voir si le gros Suisse et Cattel s'étaient remis de leur plantureux dîner de la veille, et s'ils dormaient encore. Il les trouva, debout tous les deux, et maugréant, après lancer un second cocher qui était parti avant leur réveil. Il les laissa maugréant tout à leur aise, et il se rendit chez lui. Il prépara le panier de provisions destiné aux prisonniers, puis il fit jouer le ressort que nous connaissons, et il se dirigea vers la maison fermée. Rien de suspect ne lui apparut pendant le court trajet de sa chambre au palier du premier étage. La porte de la chambre mystérieuse était fermée à clé, et les verrous extérieurs tirés comme d'ordinaire. Il tira les verrous, tourna la clé et entra. La lampe qui brûlait jour et nuit éclairait le grand salon capitonné. Ces indices rassurants ne l'empêchèrent cependant pas de pousser un cri de surprise. La chose est facile à comprendre. Il n'avait pas aperçu le prisonnier qui, habituellement, se tenait assis sur les coussins empilés au centre de la pièce. Il jeta autour de lui un regard scrutateur pour voir s'il ne s'était pas blotti dans un coin. Un rapide examen changea sa surprise en terreur. La pièce était déserte. Alors les oreilles lui bourdonnèrent, une sueur froide coula de ses tempes, et il fut sur le point de défaillir. Toutefois, il s'efforça de surmonter son épouvante. et souleva une à une toutes les tentures dans l'espoir d'y découvrir le prisonnier ou, à son défaut, un indice expliquant sa disparition. Les tentures étaient intactes et le prisonnier introuvable. Il prit sa lanterne et l'interrogea, pour ainsi dire, chaque marche de l'escalier, mais il eut beau chercher, il ne trouva aucun indice révélateur de sa fuite. Il redescendit ensuite dans la chambre capitonnée et il procéda à un second examen plus minutieux que le premier. Après de longues investigations, il finit par s'apercevoir que le théière d'argent qui renfermait le café du prisonnier avait disparu. « Plus de doute, » fit-il d'une voix étranglée, « il s'est enfui. Mais par où et comment ?» Ce fut vainement qu'il se creusa la tête. La disparition du prisonnier resta pour lui à l'état d'un mystère insoluble. L'ami Fritz savait par expérience combien était redoutable la colère de son terrible maître, et dans le premier moment, il se demanda s'il ne s'enfuirait pas. Mais après réflexion, il renonça à ce projet. Pour fuir, il lui fallait de l'argent. Et cet auxiliaire indispensable lui manquait, car sa fortune à venir était enfermée, on le sait, dans la caisse du banquier. « Le pire qui puisse arriver, se dit-il stoïquement, c'est qu'il me chasse sans me donner une obole. Je préfère courir cette chance et lui tout avouer. » Il se rendit sur le champ à un bureau télégraphique et envoya au baron Walker un télégramme dans lequel il lui annonçait laconiquement la disparition du prisonnier et le résultat déplorable de la petite comédie de Célestine Marbot. Ce fut cette dépêche qui parvint au Walker pendant la réunion des actionnaires au théâtre Niblo et amena la congestion cérébrale dont il faillit mourir.